السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، ندخل مباشرة في الدرس لأن الوقت قصير. الدرس هو سيكون aujourd'hui faute de temps. الحديث 75 حديث عن مصعب ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم عفوا، رواه البخاري. Donc il a dit النبي صلى الله عليه وسلم: et est-ce que vous n'êtes secouru ou vous n'obtenez votre subsistance que par justement le biais de vos faibles, de gens faibles qui sont en votre sein. C'est-à-dire que la présence de ces gens faibles est une cause de secours, est une cause d'obtention de la subsistance. J'avais déjà fait un audio pour ceux qui n'étaient pas présents ou qui ne l'ont pas vu, dans lequel j'avais fait un résumé d'un livre d'un frère qui parlait des causes qui permettaient d'obtenir la subsistance bismillah ta'ala. Et justement, parmi ces causes-là, on a cité ce hadith. Le fait qu'il y ait des faibles en notre sein, et que ces gens-là ne doivent pas être repoussés. قال فهذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين لا في أمور الجهاد والنصرة ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب. Et ce hadith montre que il ne convient pas que les personnes fortes et parmi les meneurs, de sous-estimer et de, on va dire, de rabaisser les gens faibles qui sont dans la capacité d'agir. Ni dans ce qui touche au djihad et au secours, et ni dans ce qui touche à la subsistance du fait qu'ils ne soient pas en mesure de pouvoir l'obtenir par eux-mêmes, comme les gens handicapés, comme les gens qui sont malades, ainsi de suite. Ces gens-là, d'accord, ne doivent pas être mis à l'écart pour cette cause-là. بينا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء بتوجههم ودعائهم وانتصارهم واستزراقهم. Donc par ce hadith, le Nabi صلى الله عليه وسلم a montré qu'il est fort possible qu'Allah عز وجل étende le risk par la cause justement des gens faibles. Du fait que ces gens-là fassent des invocations et qu'ils demandent le secours et qu'ils demandent la subsistance. Et il dit l'auteur par la suite que justement, ces causes-là par lesquelles on obtient nos attentes sont de deux. La première, celle qui est, on va dire, concrète. Comme il dit, Messalen, par rapport au djihad, la force, le courage, d'accord ? Et le courage dans les paroles, et le courage dans les actes, également par la richesse et la capacité justement à pouvoir obtenir cette richesse. Les gens qui sont physiquement aptes et mentalement et intellectuellement yani en mesure de pouvoir se venir à leurs propres besoins, c'est-à-dire faire les causes. Et il a dit cette cause-là, c'est celle qui justement est la plus fréquemment connu des gens, et celle à laquelle les gens s'accrochent le plus. Ils se basent le plus justement sur leur capacité. De même, par exemple, dans la guerre, Mathalen, les pays se basent sur leur force militaire. D'accord ? Et dans le risque, les gens se basent principalement sur leur, on va dire, leur faculté intellectuelle ou physique. Les gens qui sont, on va dire, dotés d'une bonne intelligence se basent là-dessus pour pouvoir faire les causes et obtenir leur subsistance. Et d'autres qui ont une force physique également, et ainsi de suite. Vous voyez les gens, que ce soit parmi les musulmans ou les kuffars, qui se servent de ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé, que ce soit en bien ou en mal. D'accord, soit en bien ou dans le mal, les gens se basent sur ce qu'ils ont. Ils ont un talent dans un domaine, même si c'est un domaine qui est haram, dans la musique ou dans le sport, je ne sais quoi, ils s'en servent pour pouvoir obtenir leur subsistance. D'accord. Et donc les gens se basent principalement sur ces causes-là. Les causes qui sont, elles, on appelle concrètes. Quand je dis concrètes, c'est celles qui sont hissiyah, c'est-à-dire qui sont je sais pas comment dire en français, qui sont basés sur sur les actes des gens directement. Et d'ailleurs, c'est aussi par cette cause-là que beaucoup de gens tombent dans le haram du fait que lorsqu'ils se voient incapables d'agir, eh ben, ils perdent leur tawakkul. Alors qu'ils oublient qu'Allah Azzawajal, c'est le hasard que tu aies la faculté ou pas, c'est Allah Azzawajal qui te donne la subsistance. Par exemple, une personne qui était habituée à travailler de ses mains, le jour où lui arrive, mathalan, un accident, eh ben, sans ses mains, elle se voit incapable de pouvoir obtenir quoi que ce soit. Alors que ce n'est pas vrai. D'accord ? Celui qui t'a donné cette subsistance avec tes mains peut te la donner même sans tes mains. Donc lorsque les gens ils n'ont pas de tawakkul, dès qu'ils perdent les causes sur lesquelles ils se basent, ils sont perdus. Vous voyez même par exemple chez les koufars, des gens qui se suicident. D'accord ? Quand ils perdent leur travail, quand ils perdent des avantages qu'ils pensent être des avantages, tu les vois, ils sont complètement désespérés. Parce qu'ils se basent justement sur ces causes-là. Même... C'est même pas ils se basent, c'est ces gens-là font de ces causes une cause directe. Ils oublient que c'est Allah Azzawajal qui leur donne. Et même parmi nous, les muslimines, beaucoup, ils ont une faiblesse à ce niveau-là. Ils donnent trop d'importance aux causes, en oubliant la source. Et la deuxième forme de cause, c'est celles qui sont marnawiyah, qui sont abstraites. C'est justement basé sur le tawakkul à Allah Azzawajal, la confiance qu'on lui porte. Que ce soit dans les objectifs que l'on veut mondains ou religieux. يقول وهذه الأمور تقوى جدا من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعملوا أو يعلموا حق العلم أن كفايتهم ورزقهم أو أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله عز وجل. Donc et cette cause là qui est justement le fait de revenir à Allah pleinement, tu la trouveras bien plus présente justement chez les gens qui sont eux affaiblis, car ils n'ont pas les autres moyens que ils n'ont pas les moyens que les autres ont. Donc qu'est-ce qu'ils font? Alors ils placent encore plus de confiance en Allah Azzawajal. C'est pour cela que leurs doigts sont plus à même d'être exaucés. Car ils mettent plus de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent qu'avec leurs mains, ils ne font pas grand-chose, ou ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se reposent vraiment sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leur présence est une cause pour que les plus forts, qui s'imaginent être secourus par leur force, en réalité sont peut-être secourus par les faibles qui invoquent pour eux, et la présence des faibles en leur sein. D'ailleurs, vous connaissez ce hadith de cet homme, de ses deux frères, l'un qui faisait Talab al-Ilm, et l'autre qui allait travailler. Et celui qui allait travailler, dépensait pour son frère. Et ensuite, il est parti se plaindre auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en disant que moi je travaille, mon frère il est avec toi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la'allaka, il se peut que ta subsistance vienne par la cause de ton frère, justement, qui est avec moi. Par la cause de ton frère, qui est avec moi. Donc ça, ça rentre dans quelle cause? Les causes qui, elles, sont ma'nawiyya. Parce qu'en fait, il se peut que ce frère qui fasse Talab al-Ilm, par la confiance qu'il passe en Allah Azzawajal et ses doa, il en résulte que son frère, Mathalène, ait un gagne-pain dans lequel il y a la baraka, qui suffit pour tous les deux ou plus encore. Alors que l'autre s'imagine que c'est par sa cause, à lui, son travail, que cela s'obtient. Alors que non, ça se trouve indirectement, c'est par le bien de ton frère que tu as obtenu cela. Par exemple, des fois, tu as des pères de famille qui ont, Allah leur a donné leur ouvrir les portes de la richesse en ce bas monde, avec un bon travail, un bon salaire, d'accord? Et ils ont des familles à charge, ils ne savent pas, il se peut que justement, cette baraka qu'ils obtiennent soit par la cause de leur femme, par exemple. D'accord? Souvent, t'en as, ils font un petit peu les oppresseurs, c'est grâce à moi, c'est moi qui te tiens, c'est moi qui te nourris, ainsi de suite. Mais ils ne savent pas que c'est peut-être par le fait que leur femme soit là, invoque pour eux, et soit sur une stikama, que Allah Azzawajal, indirectement, fasse que elle, cette femme-là, obtienne son risque par la cause de son mari. D'accord? Ou les enfants. Et ainsi de suite. Donc les gens que l'on considère comme étant démunis ne sont pas à négliger. Leur situation n'est pas à négliger. Et malheureusement, c'est une faiblesse qu'on a beaucoup en nous, qui est que des gens qui sont affaiblis, souvent, on a peur d'affronter le soutien qu'on peut leur apporter, malheureusement. Alors qu'il se peut qu'en les justement prenant à charge, et bien cela soit une cause pour qu'on se renforce. Mais malheureusement, notre humain il est faible, notre tawakkul il est faible, et on n'en est pas assez conscient. Mais Salen, tu as des gens, souvent, qui ont peur, comme c'était le cas des Quraysh auparavant, ou autres, des grandes familles, de peur de d'être affamées à cause de la grande famille qui faille nourrir tout le monde et dépenser pour tout le monde. Alors qu'en réalité, c'est peut-être le fait que tu es une grande famille, car la Zawajel t'accorde plus de risques, comme le dit l'auteur. فَكَمْ مِنْ إِنْسَانْ كَانَ رِسْكُهُ مُكْتَرًا فَلَمَّا كَسُرَتْ عَيْلَتُهُ وَالْمُتَعَلَّقُونَ بِهِ وَسَّعَ اللَّهُ لَهُ الرِّزْقَ مِنْ جِهَةٍ وَأَسْبَابٍ شَرْعِيَّةٍ قَدَرِيَّةٍ إِلَهِيَّةٍ. Combien de personnes, Messalen, étaient dans une situation assez précaire, et par la suite, ils se sont mariés, ont eu des enfants, et par cette cause-là, Allah Azzawajal leur a multiplié leurs biens. Alors que souvent, on pense que le fait d'avoir beaucoup d'enfants, c'est une cause de pauvreté. En fait, non. Nous, Allah Azzawajal nous a demandé de faire les causes et de augmenter le nombre de la Ummah. On fait. Et le risque, il est comme Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes que des causes. Notre absence, notre présence ne rajoute rien à ces enfants. Leur risque est déjà écrit dans le ventre de leur mère. وَيَقُلُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Et que vous n'avez pas dépensé de choses sans que Allah ne le remplace. Donc tout ce qui est dépensé dans le bien, Allah Azza wa Jal le remplace. Toujours. Il n'y a pas de perte dans la dépense dans le bien tant que celle-ci est basée sur une bonne niya. Non. Et ensuite, le shir cite à d'autres Oudjour par rapport à ce hadith, mais l'essentiel vient d'être cité là. El Mouhim, qu'il ne faut pas négliger les gens faibles parmi nous, comme les gens qui sont malades, les gens qui sont dans la capacité de pouvoir se débrouiller par eux-mêmes, les femmes, ainsi de suite, les personnes âgées et autres. D'accord ? Ça, ce sont des gens, il faut... leur présence est un bien pour nous tous. Leur présence est un bien pour nous tous. Ne pas croire que se débarrasser d'eux sera une comme des gens ils s'imaginent qu'il faut... les bouches inutiles, il faut s'en débarrasser. Et n'investir que dans les bouches utiles. D'accord ? Ça, c'est un fikr que l'on trouve beaucoup chez les humains. Par exemple, tu vois les koufars mettre les gens, les personnes âgées en maison de retraite, par exemple, les mettre à part. Et ainsi de suite. Mais tout cela, ça leur porte préjudice. Alors que dans les pays d'islam, cela n'existe pas. Bien que ça apparaît petit à petit, mais en réalité, chez les pays d'islam, tu verras que les personnes âgées ne sont pas mises à l'écart. Même dans les pays d'Afrique qui ne sont pas sur l'islam, et dans d'autres pays qui ne sont pas rentrés dans le système mondialiste, vous voyez que les gens âgés sont gardés au sein de leur famille. Ça, on trouve ça chez les capitalistes, les occidentaux, dans les pays d'Europe, les grandes pays, on va dire ce qu'ils appellent les grandes puissances, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, ce genre de pays-là. Alors dans d'autres pays, les gens n'agissent pas comme ça. Les personnes âgées restent au sein de leur famille. Ils sont entretenus par leurs enfants. Taïeb. El hadith, el sadis wa sab'oun. Maintenant, 76e hadith. An Abi Hurayra, radiyallahu anhu, qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yadhakullahu ila rajulayn. يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه. Donc selon Abu Huraira رضي الله عنه, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit que Allah عز وجل rigole, d'accord, de deux hommes. L'un d'entre eux tue l'autre et les deux rentrent au Jannah. L'un d'entre eux combat sur le sentier d'Allah Azzawajal, et il s'y fait tuer. Ensuite, Allah Azzawajal accorde sa tauba sur le tueur qui, lui-même, s'en va combattre à nouveau, mais cette fois en étant musulman, et là, il se fait tuer également à son tour. Voilà comment les deux arrivent au Jannah. Et vous avez un hadith qui est le contraire, qui est, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Il taqa al-musliman bi sayfihima, fal qatil wa maktoul fi nar » قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبي. Quand le Nabi sallam il a dit que si les deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, c'est-à-dire pour s'affronter, s'entretuer, alors le tueur et le tué seront tous les deux au feu. Regardez, là c'est le contraire. Pourquoi? les gens dire, mais le tueur, on comprend, mais pourquoi le tuer? Il dit parce que celui qui a été tué également, à la base, voulait tuer l'autre. Ça veut dire qu'ils allaient s'entretuer tous les deux, seulement t'en as un qui a pris le dessus sur l'autre. Mais eux, par leur nia, chacun avait la nia de tuer l'autre. Et là qu'on parle de tuer, c'est tuer injustement, bien sûr, c'est pas comme dans le hadith du Ders. Si vous voulez se tuer injustement pour des raisons qui ne sont pas légitimes, l'un comme l'autre, alors les deux seront au feu. D'accord ? Les deux seront au feu. Wa li'azu billah. Donc يقول فالأول قاتل في سبيله وأكرمه الله على يد رجل الآخر الذي لم يسلم بعد بالشهادة التي أعلى المراتب بعد مرتبة الصديقين. Donc le premier, c'était quelqu'un qui combattait fi sabilillah. Et Allah Azza wa Jal l'a honoré en étant tué justement par l'ennemi. Celui qui n'était pas encore soumis à Allah Azza wa Jal, qui ne s'est pas encore converti. Donc Allah l'a honoré par le martyr, la shahada, celle qui est le plus haut niveau après le niveau des véridiques, siddiqin. Bien sûr, et cela hormis le niveau de la prophétie, bien évidemment. Donc là, c'est une personne qui a fait le djihad, le vrai djihad, pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Un djihad shari'i avec ses vraies règles. وَمَا الْآخَرَ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ بَابَ الْتَوْبَةِ مَفْتُوحًا لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْتَوْبَةَ بِالْإِسْلَامِ وَمَا دُونَهُ وَلَمْ يَجْعَلْ ذَنْبًا مِنَ الذُّنُوبِ مَانِعًا مِنْ قَبُولِ التَّوْبَةِ. Quant à l'autre, Allah Azza wa Jal a fait que la porte du repentir soit ouverte pour toute personne qui veut se repentir et entrer en islam. D'accord ? Qu'il n'y a aucun péché qui empêche de rentrer en islam et qui empêche d'accepter qu'une tauba soit acceptée. Quel que soit le mal que tu aies fait, quand tu te repens, Allah Azza wa Jal, il accepte le repentir. Comme encore la Ta'ala, قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ô mes serviteurs qui ont été injustes envers eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, que Allah certes pardonne tous les péchés et qu'il est le pardonneur et le miséricordieux. Donc il ne faut pas se dire j'ai fait trop de mal, Allah ne va pas accepter. Non. Toujours se dire qu'Allah il accepte. Cependant cette tauba, il faut la faire correctement et sincèrement. Et de là Allah Azza wa Jalla l'acceptera. Et le désespoir de la rahma d'Allah Azza wa Jal, cela peut emmener à mécroire même. Comme a dit Yaqub, l'Ibnaihi, ولا تيئسوا من روح الله فإن لو يئسوا من روح الله لكم الكافرون. Il a dit à ses fils, ne désespérez pas de la grâce d'Allah, de son pardon, car seul désespère de la grâce d'Allah, de son pardon, le peuple de mécréants. Donc le musulman garde toujours l'espoir. Il s'efforce d'aller de l'avant. Et sans bien même arriver à la porte qui amènerait à sortir de l'islam, ce désespoir peut amener également à tomber dans l'extrémisme, comme ce fut le cas des Khawarij. D'accord ? Et l'autre côté, qui est celui d'avoir trop d'espoir en oubliant la peur, cela amène à tomber dans l'extrémisme des Murji'a, qui pensent qu'Allah pardonne tout et qu'on peut tout faire. Ce sont deux extrêmes. Le musulman reste dans le juste milieu. Et donc vous voyez bien par ce hadith que cet homme, malgré qu'il ait tué un musulman alors qu'il était kafir, regardez, Allah Azza wa Jal l'a honoré également en le guidant vers l'islam. Donc de là il s'est repenti car l'islam efface tous les péchés qui ont été faits auparavant. Et de là il est rentré en islam. Et il a continué justement à combattre. Et de là il a subi le même sort que l'autre. Il a été tué fi sabilillah et il est rentré au Jannah en étant également un shahid, c'est-à-dire un martyr. Un martyr. Maintenant, quand l'islam efface les péchés, cela ne prend pas en compte les droits des gens. Par exemple, quelqu'un, il était kafir, il avait une dette envers une personne, même si c'est un kafir, l'autre, et il rentre en islam. On ne dit pas l'argent, tu le gardes. On dit l'argent, tu le rends quand même. Car là, ce sont les droits des gens. Mais tout le reste, d'argent qui aurait été acquis de façon illicite, tant que ce n'est pas le droit des gens, alors il reste sa propriété. D'accord ? Cet argent également devient licite pour lui. Par exemple, c'était un dealer ou quoi, ou quelqu'un qui faisait de la musique, ou je ne sais quoi, et l'argent qu'il a gagné, une fois qu'il s'est converti à l'islam, cet argent, il reste avec lui, il peut le garder. ثُمَّ يَقُولْ فَإِنَّ الدُّحَكْ مِنَ الْبَارِ يَدُلُّ عَلَى غَيَةْ كَرَمْ وُجُودِهِ وَتَنَوُّعْ بَرِّهِ وَهَذَا الدُّحَكْ الْوَارِدْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ النُّصُوصِ كَغَيْرِهِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ على المؤمن أن يختلف بذلك ويؤمن به وأنه حق على حقيقته وأن صفاته وصفات الكمال ليس له فيها مثال أو مثل ولا شبه ولا ند. Donc ensuite l'auteur aborde le sujet de du rire, que Allah Azza wa Jal il rit, d'accord. Donc le rire est parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, et ce hadith en est une preuve, et il y en a d'autres. Donc il convient aux musulmans d'y croire et de le reconnaître et de l'admettre. D'accord ? Et que Allah Azza wa Jal, il rigole. Et cet attribut-là, on le laisse sous sa réalité. On ne va pas l'interpréter et ni le supprimer ou autre. Et Allah Azza wa Jal, comme vous le savez, il a des attributs qui sont parfaits. وَلَيْسَا كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui est comme lui, il est celui qui entend parfaitement et parfaitement clairvoyant. Donc même si les attributs ils ont un nom commun avec celui de la créature, c'est pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Mais le comment nous est ignoré. Donc on croit en Allah tel qu'il s'est décrit dans son livre et tel que son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Et parmi le descriptif et les attributs qui ont été donnés, que Allah azza wa jal, il rit. D'accord ? Il rit. Et d'un rire qui lui convient à lui. Subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que le tawhid ne peut être complété si ce n'est qu'en croyant Allah Azza wa Jal, tel qu'il le mérite, l'unifier dans son adoration, l'unifier dans sa seigneurie et l'unifier dans ses noms et attributs. Et parmi ses attributs, justement, qu'il rit. Allah Azza wa Jal rit. Donc voilà, en gros, l'explication de ces deux hadiths, de façon assez brève et résumée. À partir de la semaine prochaine, avec le changement d'heure, les doulous de Arba'in Nawawiya auront lieu après l'Isha, c'est-à-dire vers les 19h30. C'est-à-dire que ce ne sera pas les 19h30 d'avant, qui étaient entre le Maghrib et l'Isha. Là, ce sont les 19h30 qui sont après l'Isha. Inch'Allah Ta'ala. Ils auront lieu le lundi, le jeudi et le samedi. D'accord ? Lundi, jeudi et samedi. De toute façon, une annonce sera faite sur la chaîne. Fa naktafi bi hadha al-qadr wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.